Bien, bonjour à vous, chers auditeurs et chères auditrices, et bienvenue dans votre cyber-revue de presse, L'Autre Monde, une dose de lucidité hebdomadaire pour stimuler la réflexion et inviter à l'action. Je me nomme François Marginin et je serai avec vous pour les 90 prochaines minutes en cette édition du 6 novembre 2013. Donc, merci d'être à l'écoute encore de l'émission sur les ondes de la radio officielle de l'Université du Québec à Montréal. Donc, cette fabuleuse alternative à Montréal et bien sûr dans le monde, parce que l'émission L'Autre Monde est écoutée un peu partout dans le monde, dans la francophonie. Donc, bonjour à vous tous, outre-Atlantique et ailleurs où vous vous trouvez. Toujours un plaisir de savoir que vous êtes tous là à l'écoute. Plusieurs d'entre vous, d'ailleurs, prennent le temps de visiter notre chaîne L'Autre Monde sur YouTube, qui est mise en place et entretenue par notre fantastique Stéphane Poutoir. Alors, ne manquez pas la chaîne, vous pourrez retrouver aussi toutes les vidéos découpées qui découpent l'émission en segments et puis qui sont facilement écoutables et puis facile aussi à disperser un peu partout là sur l'internet, donc n'hésitez pas à le faire et puis d'écrire vos commentaires. Je vous lis vraiment toutes les semaines, régulièrement, même je dirais une fois par jour. Alors, j'ai tout le temps plaisir, j'ai pas tout le temps le temps de répondre, malheureusement là, réellement là, je fais de mon mieux, mais sachez que je vous dis à chaque semaine là, vous êtes lus. Je vous lis, j'adore vous lire, et puis plusieurs aussi m'écrivent directement dans ma boîte de courriel, alors je prends le temps de répondre aussi aux gens le plus que je peux. Alors, une grosse salutation à vous tous. Donc, voilà, cette semaine, j'ai quelque chose d'assez spécial pour vous. Vous savez, des fois on rapporte l'actualité, on fait souvent ça, c'est le but de l'émission en réalité. Pas seulement de faire que ça, mais on rapporte beaucoup d'informations qui doivent vous être apportées telles quelles, pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe réellement dans le monde, quels sont les réels mécanismes du pouvoir pour finalement mieux comprendre là, comment toute cette machine, ce système fonctionne, ce système qu'on... Franchement, on pourrait, en tout cas, si on veut en dire du bien, quand même dire qu'on l'a mis en place pour nous servir à un certain moment donné, puis bon, ça a peut-être joué certaines fonctions, mais malheureusement, le système n'est plus là pour nous servir. On est rendu à une époque où nous servons le système. Alors, le système se perpétue Et puis nous, ben, finalement, payons le prix. Finalement, nous sommes asservis à un système. Nous sommes asservis à ce système que nous avons mis en place nous-mêmes, ou en tout cas, du moins, que nous avons accepté servilement. Alors, on va parler un peu de ça. On va commencer... je sais pas, là, c'est peut-être pas officiel. En tout cas, il y a des affaires qui sont en changement. En fait, il y a beaucoup de choses qui sont en changement. Je crois, autant dans nos vies personnelles que réellement, là, tout autour de nous, même je dirais cosmologiquement parlant, c'est vraiment un mouvement partout, là. Transformation, transmutation incroyable. Et puis ben écoutez, peu à peu, je sais pas non plus ce qui va arriver. J'ai bien envie tout le temps de poursuivre l'autre monde, mais je sais pas sur quel format que ça va se poursuivre. Évidemment qu'il va peut-être avoir des transmutations, des changements aussi à ce niveau-là. Dans le futur, je jongle avec différentes idées et tout. J'adore rapporter l'information, j'adore partager ce que je trouve moi-même, mais c'est ça, ça prend un temps quand même énorme. Et puis, en tout cas, on va voir, je suis en pleine observation, il y a peut-être des choses qui vont se modifier ou s'ajouter ou peu importe. Alors, je suis trop au courant, anyway, mais je vous lance l'idée un peu comme ça. Une chose est certaine, c'est que peu à peu, j'ai peut-être des réflexions qu'on va essayer d'explorer de plus en plus, peut-être parler un peu de d'autres choses que de l'actualité d'information, parler peut-être de psychologie, parler peut-être finalement, tu sais, on a beau décrire et puis comprendre comment ce monde fonctionne, il faut comprendre que effectivement, oui, il y a un autre monde qui est possible. Et puis cet autre monde-là, en réalité, c'est vous et moi, c'est nous tous, c'est chacun de nous qui le créons, ce monde-là. Réellement, nous sommes comme des antennes qui finalement diffusent à travers nous et sont finalement avec notre conscience, tissons finalement cette réalité, ce monde dans lequel on vit. Et puis, si on n'est pas satisfait, ben il y a peut-être des bonnes raisons. Puis, il faut aussi comprendre que ben c'est en acceptant notre responsabilité que on reprend notre pouvoir de changer les choses. Et puis, c'est un peu là que maintenant il va falloir se diriger. C'est qu'on a beau comprendre aussi à un moment donné comment les choses fonctionnent, rapporter des informations autant sur l'actualité mondiale que sur des sujets précis, comme j'ai abordé les dernières émissions, la santé par exemple, des trucs comme ça. Et il y a quand même un thème commun à tout ça. Puis le thème commun, évidemment, c'est l'être humain en réalité. C'est la vie aussi au sens plus large. Réellement, c'est le déroulement même de l'univers. Vous comprenez, il y a des forces cosmologiques qui sont en place, qui évoluent dans un certain sens, une certaine direction. Et puis, dans tout ce qu'on parle ici, en tout cas, ce qui façonne l'actualité mondiale, l'histoire aussi, et puis réellement notre condition humaine, en réalité, c'est nous-mêmes, nous en sommes responsables. Je veux dire, c'est sûr que on n'a pas sous notre contrôle, évidemment, des phénomènes qui sont de nature, encore là, cosmologique ou terrestre, des tremblements de terre, bon, des trucs comme ça. Mais on est quand même responsable d'une grande partie de la condition humaine sur la planète Terre. Et puis, je veux dire, on a beau comprendre aussi que c'est une petite élite extrêmement puissante qui, effectivement, c'est pas juste l'histoire de conspiration. Ça a été confirmé par maintes études, analyses, observateurs, je veux dire, des recherches, prenez tout ce que vous voulez. Je veux dire, effectivement, on sait très bien l'économie mondiale, ce qui façonne évidemment les politiques, ce qui façonne l'orientation des découvertes, de la technologie, des avancées, de ce qui est financé, de ce qui est pas financé. Je veux dire, ça a tout un rapport évidemment avec la profitabilité, avec la facette financière et économique. Et puis malheureusement, on sait que cette puissance financière-là, cette richesse mondiale est détenue par quelques dizaines, sinon tout au plus centaines de familles. Là. OK, on parle de 325 individus ou familles qui contrôlent la majorité de la richesse mondiale. Donc, c'est important de comprendre ça, mais après ça, il faut comprendre aussi à quel point cette même clique de gens qui, malheureusement, n'ont pas compris qu'avec le pouvoir qu'ils ont et le pouvoir qu'on leur a laissé, prenons notre responsabilité, ils auraient pu faire du bien, puis je veux dire, être adorés quasiment comme des dieux sur Terre, mais ils ont décidé, malheureusement, par vanité, et c'est un peu de ça qu'on va commencer à parler dans l'émission peu à peu, de plus en plus. On parlait de la psychologie de la motivation de Paul Diel. On va essayer de comprendre le cœur de toutes ces affaires-là, de tout le cœur de l'humanité, en fait, le cœur de chaque individu, et aussi géré par des mécanismes, par des lois, comme des lois gèrent le monde extérieur, la loi de la gravité, différentes lois comme ça qui gèrent la lumière, les vents, qui gèrent tout. Finalement, il y a des choses aussi qui gèrent le monde intérieur. Puis comprendre les motifs de l'homme, comprendre la motivation, ce qui l'anime, va finalement être la source aussi de tous les bienfaits et tous les maux de l'humanité. Je veux dire, il faut comprendre qu'on est responsable de tout ça, que entre chaque homme et chaque femme se trouve le même combat intérieur pour s'harmoniser, pour trouver le bonheur, et les mêmes chutes de ces héros qui finalement rencontrent l'échec dans leur mission, et puis finalement vous avez tous ces héros qui finalement tombent, et puis vous avez aussi ces héros qui illustrent les combats victorieux intérieurs, vous comprenez? Et qu'on soit riche ou pauvre ou un génie ou quelqu'un de bien simple d'esprit, on a tous à répondre aux mêmes lois de la vie, ok? Donc c'est important de comprendre ces choses-là, c'est important de comprendre que comme je vous disais, malgré les pouvoirs énormes que ces gens-là ont et puis qu'on leur a laissé, ils auraient pu décider de faire des bienfaits sur la planète ou de mal faire. Ok, c'est une question de motivation, c'est une question de choix. Et puis on va explorer dans le fond ce qui motive ces choix-là. Puis dans le fond, on va comprendre que malgré, comme je vous disais, malheureusement, l'alignement psychopathique de cette clique de contrôleurs mondiaux qui voudraient instaurer leur gouvernance mondiale, contrôler la planète entière, finalement les populations, réduire cette population, la contrôler par la stérilité, ainsi de suite, des vaccins, peu importe. Je dis, écoutez, c'est pas mal plus malade qu'on le pense. Je dis, je parle de bien des affaires sur l'émission, mais mes recherches m'ont poussé pas mal plus loin que ça, là. Je veux dire, je parle de des affaires qui sont vraiment faciles et documentées. Je veux dire, qui sont en général, en tout cas, c'est bien rare qu'on se trompe, là. C'est sûr que ça arrive, là. On n'est pas parfait ici, là. Des fois, ça arrive qu'à un moment donné, on va trop vite, puis on transfère une information, puis l'information n'était pas bien vérifiée. Alors, c'est bien malheureux, mais ça arrive. Mais je veux dire, il y a énormément d'informations qui existent, puis qui est évidemment plus difficile à prouver. Hors de tout doute, réellement, mais il y a toutes les raisons de croire. En tout cas, toutes les indications montrent que finalement, tel est le cas, qu'il y a effectivement cette genre d'élite mondiale, gouvernance mondiale, ce genre de si vous voulez, consortium de familles ultra riches et ultra puissantes sur la planète. Malheureusement, pas la majorité d'entre elles. Je ne sais pas c'est quoi la proportion. Je peux pas vous dire. J'ai pas idée réellement avec scientifiquement là. Mais une bonne partie de celle-là est un peu capotée là. Vraiment, réellement cliniquement malade mental. Là. Je veux dire des gens qui réellement là, quand je vous dis croient à la magie noire. Que ça soit vrai ou pas là. Je veux dire moi je suis pas un magicien là. Ok. Il y en a qui croient en la magie et puis des symbolismes, tu sais, ils font pas partie des sociétés secrètes pour rien non plus, là, je veux dire, puis tout le monde est conscient que, sans savoir exactement qu'est-ce que c'est qu'on est au plus haut échelon de ces sociétés secrètes-là, je veux dire, moi, j'y ai pas été, fait comment vous voulez, vous, je vous parle, moi, tu sais, des fois, les gens me disent, parlez donc des francs-maçons, des trucs comme ça, écoutez, je suis pas franc-maçon, moi, là, de quoi vous voulez que je vous parle, là, je veux dire, c'est tout des oui-dire pour moi, là, que ce soit des livres ou des trucs comme ça, que le gars dit en fait partie, je veux dire, moi, je suis pas allé à ces meetings-là, là, puis je fais pas partie non plus des gros cercles, puis c'est difficile de parler de ça, mais je veux dire, c'est évident que ces groupes-là existent, c'est évident. Je veux dire, quand John Kerry puis George Bush s'étaient fait demander s'ils faisaient partie des Skull and Bones, puis la signification de certains chiffres, Et puis, ça, des entrevues officielles avec les grands médias, puis là, vous voyez que, ouais, écoutez, on n'a pas le droit d'en parler, puis, je veux dire, c'est évident que ça existe, là. Je veux dire, John F. Kennedy luttait contre ces fameuses sociétés secrètes-là aussi. C'est des exemples comme ça. Je veux dire, on sait que les États-Unis ont été fondés sur, je veux dire, bien des principes, bien des francs-maçons qui étaient là-dedans, puis il y a bien des symboliques comme ça dans des différentes villes comme à Washington, D.C., où on a un paquet de symboles francs-maçons, ainsi de suite. Bref, ce que j'essaie de dire, c'est que une méchante gang de capotés là-dedans, puis je veux dire, ils sont vraiment dans leur monde, là. Et puis, malheureusement, leur monde est pas mal loin de les intérêts et puis le bien-être de la population mondiale en général. On s'entend-tu là-dessus? On s'entend-tu qu'il y a un méchant fossé entre les deux? Puis malgré tout ça, malgré tout, comme je dis, ce pouvoir-là, puis cette... C'est que ces gens-là, puis c'est clair, il n'y a aucun doute là-dessus. Regardez juste encore récemment avec les événements de la grève étudiante ici au Québec, comment que ça fait trembler le pouvoir, l'ordre établi, le pouvoir en place, ainsi de suite, l'establishment. Voir les gens dans les rues, les jeunes, ainsi de suite, avec des manifestations spontanées où elles se forment et se défont... instantanément, quasiment, font deux coins de rue, réapparaissent par une bouche de métro, disparaissent sur un autre coin de rue. Ça l'a fait capoter, ça l'a fait littéralement capoter les pouvoirs en place, la police, ainsi de suite, qui ont été complètement déroutés par l'esprit humain qui est en feu comme ça. Ce que j'essaie de dire, c'est que même si ces gens-là sont ultra puissants, OK, on parle, là, je veux dire, on va en parler dans les nouvelles, vous allez voir que tu t'es interconnecté. Les émissions dont j'ai faites les années passées, particulièrement celles de cette année, on tisse et on brosse différents coups sur le tableau pour finalement peindre un tableau, une perspective que souvent j'essaie de faire ressortir pour avoir une vue globale de vraiment ce qui se passe puis être capable de faire les meilleurs choix, là. OK? Donc... On se retrouve avec cette clique-là qui ont un pouvoir énorme et tremblent devant, quand je vous dis tremblent littéralement, là, je dis des milliards de dollars sont dépensés à chaque année, pas seulement dans des guerres, là, mais particulièrement pour contrôler ce que vous pensez, pour influencer ce que vous pensez, pour essayer de conditionner ce que vous pensez, pour essayer de façonner vos désirs, vos goûts, pour essayer de façonner vos illusions que vous avez en tête, pour vous emprisonner dans votre mental, pour que votre... Parce qu'on pense qu'on est notre mental, mais on n'est pas notre mental, OK? Il y a une autre étape au-dessus de ça. Il y a l'esprit, là, au-dessus du mental. Le mental, là, c'est juste un outil intellectuel pour comprendre le monde, là. C'est tout ce que c'est, là. C'est comme une main. Il faut pas se prendre notre mental. Mais ces ingénieurs sociaux-là nous violent psychiquement à travers, contre notre gré, si vous voulez. Inconsciemment, on s'en rend même pas compte. Je veux dire, on s'insurge contre le viol physique, là. Une jeune fille a été violée, ainsi de suite. Waouh, on capote ben raide. Avec raison. Mais on n'a que faire du viol psychologique qu'on subit à tous les jours. On joue avec les plus profonds mécanismes inconscients de notre psyché à tous les jours, à travers les publicités, les films, à travers la façon qu'on fait la mode, qu'on façonne les gens à travers les magazines, les opinions, les... C'est incroyable, on nous viole à tous les jours. Pourquoi? Parce qu'on on cherche à vous endormir, à vous faire vivre dans un monde d'illusions. On essaye de vous déconnecter de la réalité parce qu'on a peur, ultimement, la chose dont ils ont le plus peur, c'est une population qui est éveillée. Une population qui est éveillée. Une population qui sait faire la réalité d'un monde illusoire. Une population qui est maître d'elle-même, qui n'a pas besoin de se faire mener ou gérer par d'autres autorités extérieures. Une population et des individus qui sont maîtres d'eux-mêmes, maîtres de leur désir, maîtres de leur destinée. Ils ont peur de ça, ils tremblent devant ça. Ils tremblent devant ça. Rappelez-vous le lendemain du 9-1, quand ils avaient dit « Continue d'aller magasiner ». George Bush puis Jean Chrétien avaient dit « Continue d'aller magasiner, continue d'aller consommer, endettez-vous ». Réfléchissez pas trop, là. Ils ont peur que la population, non seulement, pas, en fait, pas juste qu'ils se révoltent, que cette population se révolte, mais que cette population cesse tout simplement, du jour au lendemain, de se détourner de ce système-là, de cesser d'y participer, de cesser d'en être physiquement, mentalement et psychiquement vampirisé. Qu'il se coupe de ça, qu'il cesse d'alimenter ce système vampirique qui nous suce notre énergie vitale, littéralement. Là. Ils ont peur de ça. Ils ont peur énormément d'une population indépendante et pleinement consciente d'elle-même et maître d'elle-même. Donc, écoutez, on va parler de plus en plus de ça parce que c'est le cœur de ça. La prochaine révolution, ce ne sera pas une révolution extérieure, ce ne sera pas en pétant des vitres, puis en pendant ces gens, ou en tuant, puis en répandant le sang dans les rues. Ça n'a rien à voir avec ça. La prochaine révolution, qui est déjà en train de se passer, et de façon beaucoup plus intensément en 2013, depuis la fin de 2012, depuis 2013, cette année, c'est intense. Tout le monde le ressent. Avez-vous pas l'impression d'être essoufflé? Y a-t-il quelqu'un dans la salle ici qui se sent pas essoufflé réellement, là, de voir les événements se bousculer autant dans nos vies individuelles que collectivement, que planétaire, que cosmologique, je veux dire, à un rythme effréné, là. Donc, on va parler de ça parce que c'est le cœur de tous ces problèmes-là. C'est ça, la révolution intérieure. C'est là où on s'en va, c'est-à-dire qu'on va changer nous-mêmes. On va évoluer. On va évoluer vers plus de conscience. Puis ça, il n'y a rien qui va arrêter ça. Il n'y a pas une armée, il n'y a pas un appareil de Big Brother, il n'y a pas un appareil de surveillance, comme on va en parler dans l'actualité, je vous parlais un peu plus tôt, tout est connecté. Il n'y a rien qui va arrêter ça. Mais l'heure est grave, pareil. Vous allez voir, il y a des nouvelles, je veux dire, il faut connecter les deux ensemble de plus en plus, OK? Il y a des nouvelles extrêmement graves. Il faut en être conscient. Puis ça va être justement le moteur aussi de notre motivation pour passer à d'autres choses. Parce que là, ça va vite. Puis on va perdre le contrôle rapidement. Puis sachez une chose, chers auditeurs. La vie est implacable. La vie n'en a rien. Excusez-moi, là, mais on parle en bon québécois. Là, la vie n'en a rien à crisser. De l'humanité, OK? On a un cadeau gratuit ici, là, complètement gratuit, poum, de la vie. On arrive ici, boum. Comme si on n'a rien mérité, là. On arrive, là, je veux dire, c'est le plus beau cadeau, quand même, c'est incroyable, là. Mais si on est assez sans dessin, si on est assez épais, si on est assez cave, si on est assez nono, si on est assez imbécile de manquer notre responsabilité face à la vie, de s'harmoniser soi-même, on va manquer une opportunité incroyable parce qu'on va s'auto-détruire. Puis la vie, on n'en a rien à foutre. On n'a rien à foutre de recommencer à remettre les compteurs à zéro à là, là. On n'a rien à foutre. On recommence à zéro, scratch, ça, on part à neuf. Il n'y a personne qui va nous sauver, là. Il va falloir se sauver soi-même. C'est pas dans des religions, puis c'est pas dans des dogmes, puis c'est pas dans des doctrines, puis c'est pas dans des affaires comme ça qu'on va trouver notre solution, là. Une vérité immanente qui existe. C'est cet instinct animal qu'on est en train de reproduire au niveau humain, une surconscience, si vous voulez, qui est une intuition à un niveau conscient, un guide sûr qui peut intérieurement nous guider vers ce qui va nous satisfaire pour de vrai. Donc, on va parler d'un paquet d'affaires comme ça, on va parler de santé, on a parlé de ça un peu la semaine passée, on va parler de Big Brother, des nouvelles assez troublantes, là, je veux dire, y a des auditeurs aussi qui m'alimentent avec des trucs... incroyable, je riais avec un des auditeurs que je vais nommer Folamour ici, avec son site Crash the Bug. Vous allez retrouver différents articles des fois qu'il m'envoie, puis qui est fort intéressant. Alors on riait parce qu'on parlait de collaborateurs et ainsi de suite, et puis je disais écoute, c'est bien sûr que tout le monde qui travaille dans le même sens comme on est, à disperser l'information, à y mettre son grain de sel, à ajouter ce qu'on peut pour faire notre part, ainsi de suite. Je veux dire, bien sûr qu'on est tous des collaborateurs. Je veux dire, ça fait plaisir de vous alimenter, d'être alimenté par vous aussi. Je veux dire, c'est comme ça qu'on est fort en réseau. Puis c'est comme ça que, écoutez, on crée notre autre monde, là, qu'on est notre autre monde, qu'on le devient soi-même. Fait qu'on va parler de ça. On va parler d'organismes d'OGM, en fait, d'organismes génétiquement modifiés. Un paquet de nouvelles fort troublantes. Ensuite, on va voir comment que l'émission évolue, mais on va parler de cette attaque israélienne en Syrie. Donc, on parlait des vaccins, on en a parlé un peu la semaine passée, donc on va continuer avec ça. On va parler aussi l'Europe radioactive aujourd'hui et radioactive demain. Alors, un article fort intéressant, justement, des articles de crash, de bug, alors que je vous invite à consulter. Et puis, bon, toutes sortes d'autres affaires, là. Hein? Vous voyez, là, il y a pas mal de trucs comme ça qui sont importants. Donc, on va faire le tour de tout ça. Des nouvelles de Big Brother hallucinantes, de la nanotechnologie. Ça fait des années que je lis des affaires là-dessus qui sont hyper troublantes. Puis, je veux dire, écoutez, c'est un œil d'observateur extérieur. Je veux dire, là, pas ce collaborateur-là, Folamour, qui va être bien content d'entendre ça. Quand on parle de cet article-là, écoute, ça vaut la peine, oui, parce que justement, ça vient raviver encore cet intérêt pour ce filon d'information-là aussi, qui se développe à une vitesse exponentielle, sans qu'on en ait conscience. Ouais, on est en train de, on regarde les écrans TV plasma, et puis les Blu-ray, puis les téléphones cellulaires, puis on capote, puis on sent. Pendant ce temps-là, là, il se passe des avancées technologiques là, complètement troublantes, là, je veux dire, vraiment hallucinantes, à une vitesse de la lumière. Puis des gens de l'intérieur, des fois, ont des évidemment, des élans de conscience qui viennent les déranger, et puis qui se rendent compte qu'à un moment donné, wow, il y a peut-être une sérieuse question à se poser avant qu'on aille plus loin avec ça, là. Il y a un article ici du sénateur Alex Turk, très inquiet au sujet des nanopuces, de la géolocalisation biométrie. Ça vient de 2010. Publié le 27 octobre 2013 sur le site de Crash the Bug. Alors, on apprend que Alex Turk, ex-président du CNIL, nous avertissait aussi sur le Big Brother qui se mettait en place dès 2011. Et regardez-nous, nous en sommes aujourd'hui. Alors, écoutez... Là, on parle de Smart Dust, la poussière intelligente. Hein, de projet capoté de Hewlett Packard HP, là. Hein? Petite gang de malades, eux autres, là aussi, là. Composé, en fait, de Smart Dust, là, qui est composé de milliards de petites sondes de taille nano, alors des nanotailles, évidemment, reliées entre elles par des ondes qui pourront tout capter. On parle de son, vidéo, etc. Alors, vous pensez que c'est de la science-fiction? Ben, il faut se détromper, effectivement. Alors, vous avez un article ici, on parle, vous avez une photo dans l'article, là, vous irez voir ça, un grain de communication bidirectionnel X20, 63 mm3. Okay, vous avez la source nanotechnow.com. Alors, vous avez ce gars-là, Alex Turk, lui qui a été sacré en dehors du CNIL, pour probablement justement avoir énoncé à ses inquiétudes par rapport à cette technologie-là. Puis lui, il dit, écoutez, il faut absolument réagir rapidement puis légiférer, là, s'il n'est pas déjà trop tard, avant de perdre totalement le contrôle de cette technologie. Et puis là, il nous dit que ce qui nous attend est bien pire que Big Brother. On dit d'ores et déjà qu'on nous promet un intranet géant pour la France et le monde, et puis les propos d'Alex Turk qui a été débarqué de la CNIL prennent tout leur sens. Lis cet article. La seconde partie de la vidéo traite de ce sujet ainsi de l'article du Nouvel Observateur de l'époque retrouvé par Chalouette. Alors, vous avez une vidéo ici à la consulter. Et puis là, ben, vous avez le livre de La vie privée en péril, édition Odile Jacob, où on apprend le président de la CNIL, Alex Turk, s'inquiète de la multiplication des outils de surveillance souvent invisibles. Alors, il était président, là, tu sais, vous comprenez? Bon, difficile à contrôler. Une atteinte à notre intimité. Alors, vous avez un fort important article ici là à aller lire pour vous. Je vous le lirai bien tout en ondes tellement que c'est important, mais je vais vous passer quelques bribes, mais allez lire au complet cette entrevue, ça en vaut absolument la peine. Puis lui, il dit, les citoyens sont aujourd'hui sous contrôle. On dit que c'est un constat sombre pour un homme chargé de veiller au respect de la fameuse loi informatique et liberté censée protéger chacun d'entre nous contre le fichage abusif. Il dit que lui, il a voulu lancer un cri d'alarme. Il dit, soyons clairs, il y a un danger mortel pour les libertés individuelles. OK? Il va pas de main morte, là. Il dit, les gens n'imaginent pas à quel point ils sont surveillés, profilés, leur goût analysé, leur habitude disséquée. Des milliards d'informations ont été collectées et ce phénomène croît à une vitesse insensée. On a longtemps redouté Big Brother, mais on peut se rebeller contre un système centralisé. Or, ce qui nous attend est bien pire. Nous assistons à la multiplication des Nano Brothers, capteurs puce électroniques dans les cartes et les portables, beaucoup plus redoutables car les outils de surveillance sont multiples, disséminés, parfois invisibles, donc bien plus difficiles à contrôler. On ne sait pas qui collecte les données, où elles sont entreposées, pour combien de temps, ni dans quel but. Ça, là, cette phrase-là, là, c'est tellement important. Là, tu sais, les gens qui disent « Ah, mais on n'a rien à cacher. Quand tu n'as rien à cacher, là, t'as pas à craindre que tu sois écouté ou vu. » Ah, je veux bien, là. Mais c'est sans dessin comme argument, là. Je veux dire, c'est vraiment imbécile, là. Il faut absolument mettre ça de côté tout de suite, là. Je veux dire, il faut se rendre compte, là, qu'on se tire pas une balle, mais je veux dire, on décharge un fusil AK-47 dans le pied, là. Je veux dire, ça n'a aucun maudit bon sens, là. Je veux dire, c'est bien beau, là, d'être épié 24 heures sur 24, d'être surveillé, puis d'avoir toutes nos données enregistrées puis centralisées. Le problème, c'est entre les mains de qui, ça? C'est entre les mains de qui, ça? Puis cette personne-là ou ces personnes-là vont faire quoi avec ça? Avec quel motif? Puis ça va se rendre où? Puis entre les mains de qui? Puis c'est entreposé où? Je veux dire, on parle de ces banquiers internationaux, on parle de qui, en fait, ont financé la plupart des grandes guerres de nos jours, ou par les services secrets, qui sont responsables des opérations comme Gladio, de faire sauter des autobus remplis d'enfants en Italie, ou des opérations terroristes comme à Madrid, 9-1, un peu partout, comme ça à Londres. Ces gens-là que vous allez truster avec vos informations privées et personnelles? Vous allez faire confiance à ces gens-là? Vous voulez que ces gens-là vous surveillent? Vous voulez que la police, qui finalement... Oui, il y a encore un autre scandale ici au Québec, là, infiltré par une snitch, là, un autre délateur, finalement, qui était connecté avec les réseaux criminels, il passait l'information de la police au réseau criminel. Vous voulez que vos informations se ramassent entre les mains des réseaux criminels, c'est ça que vous voulez? Ah, c'est ça que vous voulez? Ah, vous voulez... Ah, ça, vous voulez vous donner... Ah, OK, vous voulez vos données se retrouvent entre les mains d'une banque sans whatever qui perd, après ça, se fait hacker et perd les données de 200 000 de ses clients. C'est ça que vous voulez? C'est entre les mains de qui, ça? On sait même pas qui collecte ces données-là. On sait que... On a une clique de psychopathes qui est en contrôle de... Finalement, de ce genre de clique mondiale, tu sais, là, qui de control freak, là, d'assoiffé, là, de droguer de l'argent puis du pouvoir, là, complètement addict dépendant, là. On sait que les services secrets puis tout sont au service des méga corporations qui sont aussi dirigées finalement par cette clique de famille et d'individus, 325 individus qui contrôlent la plus grande partie de la richesse mondiale et de l'économie. Qui se sont fait pogner encore et encore à frauder avec les taux du Libor, les taux d'intérêt mondiaux, qui ont volé des trillions de dollars, qui ont joué au casino mondial, engendré la chute économique de 2008, qui arrête pas de voler les fonds de pension, de détruire les jobs, de détruire l'environnement, de larguer de l'uranium appauvri partout. Ces gens-là, que vous voulez vraiment le collecte des données privées sur vous. Fait que là, on sait pas qui possède ces affaires-là, OK? La biométrie, les empreintes électroniques digitales, l'oculaire, la vidéosurveillance, la géolocalisation, la collecte des données en ligne, c'est un cocktail explosif qu'il dit. Lui, il dit qu'il a été président du CNIL pendant 7 ans, puis à son arrivée, le principal problème était la multiplication des fichiers régaliens liés à la sécurité après le 11 septembre. Aujourd'hui, il disait, ce monsieur-là, monsieur Turc, qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus à l'ère du casier judiciaire et des fichiers de police, mais à celle du fichage de masse et du flicage ludique. Avec Internet et les applications de la téléphonie mobile, les gens donnent spontanément un tas d'informations qui s'ajoutent à toutes celles déjà collectées sans cesse dans leur vie quotidienne. Aujourd'hui, un citoyen est forcément fiché quelque part, et souvent dans de multiples bases. Le danger, c'est que, potentiellement, tout peut être interconnecté, avec le risque de la fin de l'anonymat, un cauchemar absolu. Alors, on dit le flicage invisible qui vous tourmente le plus. Et là, il dit que lui, depuis 2 ans, il a constaté la géolocalisation qui se développait à une vitesse affolante, les outils de traçage qui ont proliféré avec la miniaturisation des technologies, notamment les téléphones 3G. Nous allons vers un monde de la surveillance invisible, dans la poche, nous avons désormais des mini-ordinateurs dont la puissance est égale à ceux qui tenaient dans une grande pièce il y a 25 ans. Fait que là, ben, ils parlent évidemment de téléphoner n'est plus qu'une fonction annexe de ces nouveaux appareils dont le but est de vous ficher, de vous localiser à tout moment. La totale transparence, c'est le rêve des multinationales obsédées par l'idée de profiler leurs clients. Quand j'étais jeune, on souhaitait échapper au regard des parents, ne jamais dire où l'on était. Aujourd'hui, il faut s'afficher. Ces tendances et sociétés en profitent pour récupérer les infos personnelles, vos goûts, des photos, des vidéos. Fait qu'ils ont inventé le Big Brother convivial, le capitalisme copain. Elles ont besoin de ces données pour prospérer, mais vous amène à les leur donner en vous faisant croire que c'est dans votre intérêt. C'est le modèle Facebook. Ça fait combien d'années que je vous en parle, chers auditeurs? Ce système ingénieux ne serait pas blâmable s'il était lisible et contrôlé, mais ce n'est pas le cas. La notion de consentement est floue et vous n'avez pas le droit de suite. Fermer votre compte ne garantit pas la disparition des données. Les grandes entreprises du numérique vantent la transparence, mais agissent derrière un rideau de fumée. Là, il dit, vous avez pour mission de contrôler leur activité. La CNIL ne vient-elle pas de condamner Google à 100 000 euros d'amende pour avoir collecté des données sur les réseaux Wi-Fi via des systèmes de géolocalisation Google Street View, Maps and Latitude? Là, il dit, c'est une amende record. C'est la preuve que nous agissons, même si nous n'avons évidemment pas accès aux millions de fichiers stockés partout dans le monde. Là, écoutez, on parle de cet exemple-là où Google, finalement, avait volé les données comme ça, je veux dire, des données privées aux gens sur les réseaux. Alors, là, on parle de ça ici, là, je veux dire. Donc, allez lire ça, je veux dire, c'est complètement renversant. Puis, c'est un exemple, encore là, comme je vous parlais un peu plus tôt, d'une dérive vraiment grave qui se passe. Puis, c'est pour ça qu'il va falloir faire un retour vers l'intérieur, un retour vers qui nous sommes, se rappeler soi-même, parce que je veux dire, à un moment donné, on est rendu dans un monde, j'écrivais d'ailleurs une personne qui m'est très chère aujourd'hui, ça me faisait rire parce que j'avais le goût d'en parler, il disait, j'écrivais à quel point j'avais, tu sais, l'impression d'être en permutation, puis qu'on n'arrivait pas à être léger, en comprenant qu'on s'est créé réellement, individuellement, puis collectivement, bien des soucis inutiles, pesants. Puis des fois, puis je me demande, m'en donnez des nouvelles, comment vous sentez, mais j'ai l'impression que ça va rejoindre pas mal de personnes. Je disais que je me sentais un peu comme un extraterrestre qui a abouti ici, puis qui est un peu poigné comme dans cette prison, une genre de prison mentale, une prison genre d'énergétique, un peu comme prisonnier de la planète, puis de ce genre de système étouffant qui est vraiment anti-vie, puis anti-liberté, puis anti-finalement sens de la vie réellement, là. Que des fois, on a l'impression qu'à un moment donné, on n'appartient même plus à ce monde-ci, qu'on va se rappeler où c'est qu'on a caché notre vaisseau spatial, puis zow, on va sortir, disons, on va flyer à quelque part sur notre planète où on habite réellement, prendre des vacances, tu sais, sur une autre planète où il n'y a pas cette bêtise humaine, ce système psychopathique et aliénant, une planète où ça n'existe pas, vous comprenez? Vous comprenez un peu l'idée? Vraiment le temps de se rappeler, de se reconnecter profondément avec ce qui est vraiment sacré, tu sais, le mystère de la vie. Se rappeler de qui on est vraiment, de ressentir de nouveau ce qui est vraiment sain. Tu sais, on dirait qu'on n'arrive plus à avoir de référence. De savoir ce qui est vraiment pur, amour, plénitude, bonheur, tranquillité, le repos, le calme. Sans être constamment, sans arrêt dérangé, assailli par les obligations, accaparé par les vicissitudes et infinis problèmes inutiles que ce système qui était censé nous servir, qui est rendu maintenant, c'est nous qui sert ce système, nous apporte sans cesse. Puis c'est ça, on ressent que, avec égale force pour tous les autres bons humains, que c'est la même chose. Qu'on ressent tout ce non-sens. Même dans la perspective, si on veut, de cosmologique de l'univers, de limiter l'expérience humaine à une triviale lutte inutile et sans fin, complètement inutile, constamment à se débattre comme des poissons dans un lit de rivière asséché, alors que finalement cet univers avait mis en place une rivière débordante de vigueur, d'eau, d'énergie, de vie. On arrivait là, tout était super étincelant. Puis regardez ce qu'on en fait. La société contemporaine qui surestime l'importance de la réussite matérielle et sociale excite nos rêveries dans ce sens. Elle éveille en chacun de nous la tentation d'exagérer les satisfactions que le bien-être physique, le confort et le progrès matériel sont réellement susceptibles de nous procurer. Elle réduit le sens de la vie à l'obtention de privilèges économiques et sociaux. Il est d'autant plus difficile d'échapper à cette influence que le progrès des sciences et de la technologie, la publicité, la radio, la télévision, les affiches dans le métro ou la rue nous sollicitent constamment à notre insu. On rêve de la prochaine découverte, de l'invention, du médicament qui transformera notre existence. Tout autour de nous nous distrait de nous-mêmes, nous invite à oublier notre tâche et notre responsabilité essentielle qui consiste à intégrer harmonieusement nos désirs, à développer notre humanité. Plus le progrès augmente, plus nous sommes tentés d'ignorer que nous faisons partie de l'univers et que nous sommes soumis à la loi d'harmonie qui le gouverne et qui conditionne notre satisfaction authentique. Qui se soucie encore de ces lois lorsque, du matin au soir, il suffit de presser des boutons pour que tout nous obéisse? Ascenseur, gaz, électricité, téléphone, ordinateur. Comment ne pas penser que nous sommes les maîtres de l'univers? Comment ne pas être grisé par nos propres conquêtes et les perspectives extraordinaires qu'elles nous laissent espérer? N'est-il pas vraisemblable qu'un jour nous puissions devenir immortels? Comment conserver encore le sentiment de nos limites quand ces limites semblent reculer chaque jour davantage? Comment, dans ces conditions, ne pas oublier que nous sommes inachevés, que l'homme n'est pas mais qu'il devient s'il travaille à combler en lui le manque avec lequel il est né? Comment ne pas tomber dans ce piège sinon en prenant conscience de la démesure en notre quasi-tout-puissance extérieure et notre impuissance à organiser notre vie intérieure de manière satisfaisante, en prenant conscience de notre asservissement au progrès technologique qui n'est lui-même que le reflet de notre asservissement à nos propres désirs matériels survalorisés par nos rêveries? Nous devenons les esclaves de nos désirs dans la mesure où nous rêvons qu'ils nous procureront le bonheur suprême. Tous ces désirs sans cesse multipliés deviennent de nouveaux besoins dont la satisfaction exige toujours plus d'argent, plus de peine, plus de fatigue. Cette poursuite de chimérique satisfaction qui dresse l'homme, contre tous les autres, animés par les mêmes désirs, convoitant les mêmes biens, voulant produire plus et consommer encore plus, fausse promesse de satisfaction. Fausse, car elle confond les satisfactions matérielles, le bonheur qui dépend des conditions extérieures avec la satisfaction intérieure dont dépend la joie de vivre. Fausse, parce qu'elle nourrisse notre espoir que lorsque nous aurons enfin obtenu tel ou tel avantage, il ne nous manquera plus rien pour être heureux. Ça, c'est le genre de choses que on va faire parce que ça porte à comprendre un peu le cœur du problème. Ça, c'est un extrait de l'excellent livre « À la découverte de soi-même » du docteur Marianne Sédar, qui réellement, avec une approche concrète, perspicacité, avec rigueur scientifique et sensibilité humaine, nous montre un peu, nous explique à travers la pensée d'Hélienne réellement la nature essentielle de nos conflits intérieurs, dévoilant ainsi les impacts sur les comportements avec nos rapports sur les autres, puis réellement la façon qu'on façonne le monde extérieur. Donc, c'est important. Puis vous allez comprendre dans une nouvelle lumière un peu ces nouvelles que je vous rapporte ensuite. On comprend tout un peu ce genre de malaise qu'il y a. On sent qu'on ne rapporte pas la vérité, qu'on ne vit pas dans la vérité. Puis il y avait cette nouvelle qui avait été publiée il y a un certain temps, qui parlait justement du public américain, entre autres. Là, c'était ici une étude, un sondage qui avait été fait aux États-Unis, où on parlait de, finalement, les gens qui ne faisaient pas confiance aux médias et qui avaient atteint de nouveaux sommets. Et puis, c'était réellement la méfiance du public américain envers les médias qui avait atteint un nouveau sommet avec 60% qui déclaraient qu'il avait peu ou pas du tout de confiance en les masses médias pour rapporter les nouvelles complètement avec précision et véracité. C'est quand même assez, assez important quand même. Donc, 60%. Pensez-vous qu'on n'a pas passé la masse critique? Ça, c'est une étude qui avait été conduite, en fait, un sondage entre le 6 et le 9 septembre 2012. Donc, il y a à peu près un an, légèrement un peu plus qu'un an. C'est à la hausse d'année en année. C'est à la hausse depuis, grosso modo, 2006. Réellement, là, ça se poursuit. Donc, dans cette lignée-là, vous avez une nouvelle fort intéressante ici, publiée dans The Guardian, le 31 octobre 2013, où on apprend que Glenn Greenwald va quitter le journal. Ça s'appelle On Leaving the Guardian by Glenn Greenwald. Et il rapporte que de rapporter sur l'histoire de la NSA n'a pas été facile, mais évidemment très gratifiante. Et que c'est ce que le journalisme devrait signifier. Et que nous devons protéger ceci. Et puis lui déclare qu'il quitte le Guardian pour travailler avec un monsieur qui s'appelle Pierre Omidyar, Laura Poitras, Jeremy Scahill, qu'on connaît, j'en ai quelquefois parlé sur l'émission. Excellent chercheur, reporter, qui a écrit beaucoup sur, d'ailleurs, Blackwater, des informations hyper détaillées, très recherchées, là, vraiment génial. Et puis, ils vont s'allier avec d'autres personnes qui vont être identifiées bientôt pour construire une nouvelle organisation médiatique. Wow, fantastique. Parlez-moi d'une bonne nouvelle. Parlez-moi de justement un autre monde qui est possible. Une révolution intérieure. Les gens changent d'eux-mêmes. Et voilà. Et créent de nouvelles choses. Alors, il dit que ça n'a pas été vraiment facile, n'a pas été un choix facile de quitter le Guardian, mais que c'était une opportunité rêvée et c'est impossible à décliner. Alors, ça va être évidemment à surveiller. Très intéressant. Alors, un nouveau média qui va être créé par des gens d'une très bonne qualité. Et on parle de gens qui sont vraiment passionnés par ce que devrait être le vrai journalisme. Alors, voilà des bonnes nouvelles. Donc, d'ailleurs, dans son article, lui, il urgeait les gens, il poussait les gens, quiconque, à prendre note et de se tenir contre ces attaques sans précédent et soutenues contre la liberté de presse et de la façon qu'on ramasse, en fait, qu'on collige l'information et tout ce processus, particulièrement aux États-Unis. Alors, on en a parlé aussi souvent sur l'émission. Avec vraiment une dérape là, totalitaire, épeurante, là, même sous Obama, là, où le climat, même parmi les journalistes, en fait, le journalisme est directement attaqué, menacé aux États-Unis. Là. On est en train de vouloir criminaliser les délateurs publics pour le bien public, là. Hein? Donc, comme Edward Snowden, on s'entend-tu qu'on devrait encourager et protéger ces gens-là, effectivement, mais aussi l'acte du journalisme lui-même. On est en train de criminaliser l'acte de journalisme du journaliste lui-même aux États-Unis. Donc, on a des factions très influentes, extrémistes, dans plusieurs pays, autant aux États-Unis que... on peut dire ici au Canada, en France, en Angleterre, qui sont en train de criminaliser ces choses, OK? Donc, ces gens-là vont se réunir et puis vont essayer de justement de mettre en place encore un média parce qu'ils croient que c'est urgent pour ceux qui croient en la liberté d'expression et la liberté de presse. De s'unir contre ceci, cette menace. Alors, très intéressant. Ensuite, une autre nouvelle qu'on trouvait dans le Business Week le 29 octobre 2013, Rabobank reçoit une amende de 1,1 milliard de dollars par rapport au scandale du Libor, Euribor, les manipulations dans ses taux d'intérêt. Alors, j'en parlais un peu en début d'émission. Alors, ça se trouve à être une coopérative qui a été formée en 1898 qui prête aux fermiers allemands qui ont reçu une amende de 774 millions d'euros. Alors, soit 1,1 milliard de dollars. Le président a dû quitter son emploi par rapport à ce scandale des manipulations des taux d'intérêt qui vient d'atteindre une cinquième firme. Alors, une autre intéressante nouvelle par rapport à ça, Rabobank avait opéré dans les marchés des produits dérivés et puis des échangistes d'argent, en fait, là, les money market traders. Et puis ils ont évidemment manipulé les choses pour avoir des bénéfices sur leur position qui était liée au Libor et conspirer avec des employés de d'autres banques pour manipuler ces taux. Entre mai 2005 et janvier 2011, plus de 500 tentatives ont été faites par Rabobank pour manipuler le Libor selon le régulateur. Alors, imaginez, c'est quand même c'est le plus gros scandale financier de tous les temps, là. OK, c'est pas bien compliqué là. Bon, alors, on parlait de ce fameux scandale d'espionnage de la NSA, particulièrement la semaine passée, avec un article concernant la France qui a été évidemment lourdement espionnée par la NSA, probablement avec la collaboration du régime en place. Là, on apprend cette semaine que finalement, c'est loin d'être juste la France. Un paquet de pays ont collaboré ouvertement avec ces services secrets-là pour que toutes les données puis renseignements personnels de leur population soient transférés à la NSA. Vraiment fantastique. Bravo! Alors, maintenant, on apprend ici dans un article de The Guardian, publié le 30 octobre 2013, que l'Espagne a eu collusion avec l'espionnage de la NSA sur ses propres citoyens, selon des rapports de journaux espagnols. Alors, imaginez quand même. Intéressant. Alors, on parle ici, évidemment, de surveillance très répandue et large, profonde, là, vraiment, des citoyens de l'Espagne par la U.S. National Security Agency, NSA, qui a évidemment causé beaucoup d'outrages alors que ça a été rapporté cette semaine, alors qu'il a été, ça a été produit de la collaboration avec les services du renseignement de l'Espagne selon un journal de l'Espagne. Alors, c'est le El Mundo qui a rapporté cette information. Et puis, vous avez un document qui a été, dans lequel on voit d'ailleurs que les États-Unis dépendent de la collaboration de plusieurs pays pour recevoir ces informations, ces données-là, pour avoir accès à l'intelligence, l'information, les méthodes data électroniques. Et puis, selon un document qui a été vu par le El Mundo, vous avez des coopérations comme ça qui sont classifiées par les États-Unis avec des pays variés selon quatre niveaux différents. Puis là, dans le premier groupe, vous avez ce qu'on appelle des Comprehensive Cooperation avec des pays incluant l'Angleterre, l'Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande. Ensuite, vous avez le deuxième groupe qui s'appelle Focused Cooperation, dont lequel l'Espagne fait partie avec 19 autres pays, principalement de l'Europe, à part ceux du Japon et de la Corée du Sud. Ensuite, vous avez le troisième groupe qui s'appelle Limited Cooperation, qui consiste en des pays comme la France, Israël, l'Inde, Pakistan, alors que le quatrième groupe se nommait Exceptional Cooperation, qui était composé de quelques pays que les États-Unis considèrent comme étant hostiles à leurs intérêts. Donc, fantastique. Alors, le document de la NSA suggère que les services du renseignement espagnol ont travaillé main dans la main avec la NSA, comme l'ont fait d'autres agences étrangères, et s'il y avait quelques doutes que ce soit, à savoir qui avait eu la main dirigeante là-dedans, le document de la NSA rend très clair que la quelque collaboration que ce soit a toujours été pour servir le besoin de protéger les intérêts américains. Fantastique. Bon, alors on poursuit dans le même lignée de nouvelles assez fabuleuses et très stimulantes. Alors, Police State Britain, alors l'état de la police, en fait état policier en Grande-Bretagne, article de Stephen Landman, publié dans le Activist Post. Alors on parle ici de ce qu'on appelle le Britain's Government Communications Headquarters, alors les quartiers généraux des communications du gouvernement de la Grande-Bretagne qui opèrent comme la NSA. Ils travaillent de façon coopérative, ils travaillent ensemble. Alors, on parle aussi, vous voyez, là, c'est un autre exemple de ça, un autre pays, mais les mêmes coopérations. Alors, vous voyez que je pense que c'est quelque chose qui se dégage de tout ça. Je vais poursuivre la nouvelle, là, mais je veux dire tout de suite, avant de la perte d'esprit, là, c'est vous voyez qui se dégage de tout ça, c'est que c'est pas juste dans un pays ou une autre population dans un autre pays de façon isolée. C'est vraiment un état de surveillance et de Big Brother, de contrôle total, de gouvernance mondiale, globale, qui est installée à travers tous les pays. C'est supranational. C'est international. Ça nous concerne tous. Je veux dire, là, on parle des nanotechnologies, on voit des micro-grains, je veux dire, des affaires, des nanograins. Je veux dire, c'est imperceptible à l'œil nu, OK? Ça se promène partout, ils veulent disperser ça partout dans l'atmosphère, qui tout le monde... On parle d'ici 10 ans, là. On dit que scientifiquement, ça va être faisable, là. Je veux dire, on va surveiller quiconque, à quiconque moment, n'importe qui, n'importe quand, n'importe quelle heure du journée, partout. Il y a la notion de pouvoir être seul dans un endroit, sans que personne nous voit, sans que personne nous entende, être complètement seul, là, va disparaître. Va complètement disparaître, chers auditeurs. Elle n'existera plus si on ne fait pas de quoi immédiatement. Et puis ça, c'est pas juste dans un pays ou dans un autre pays, c'est partout. OK? Fait que c'est ça qu'on dit. Donc, ces agences de services secrets, des agences du renseignement, peu importe dans le pays où vous appartenez, soit de la France, du Canada, des États-Unis, de la Belgique, de l'Angleterre, et ainsi de suite, de l'Espagne, ils travaillent tous pareil. Ils aspirent tous sur leur propre population. S'ils peuvent pas le faire légalement, ils demandent à l'autre body de l'autre pays de le faire pour eux-mêmes. Fait que là, par exemple, l'Espagne, le Canada vont donner leurs données qui appartiennent aux citoyens aux services secrets des États-Unis, qui, eux, après ça, peuvent le passer légalement aux services secrets canadiens. Je veux dire, voyons donc, là. Fait qu'ils font ça de façon globale. Ils conduisent globalement de l'espionnage. Ils collectent des quantités énormes d'informations personnelles, privées, qui vous appartiennent, en toute légalité, en toute légitimité. Fait qu'ils font ça de façon illégale, illégitime, immorale. Vous avez Obama aux États-Unis qui mène carrément une guerre à la liberté. Il cible directement les délateurs, puis les journalistes d'enquête qui exposent les actions criminelles du gouvernement. Le gouvernement britannique fait la même affaire. En fait, ils mettent ça en équation avec du terrorisme. OK? Alors là, vous avez le London's Guardian qui a été menacé, a vu ses bureaux faire une descente policière. Alors, sont arrivés les hard drives, les disques durs sur lesquels était emmagasinée l'information ont été détruits. Puis vous avez cet article de Stephen Landman pour poursuivre les informations dans ce dossier-là. Mais vous comprenez que c'est global. Alors que c'est quoi la réalité? Est-ce que la population est si démoniaque? Est-ce que la population mondiale est complètement sur le crack, complètement pétée, criminelle, née dans le péché, je veux dire avec un esprit psychopathique criminel? Voyons donc, là. Est-ce qu'on a besoin soudainement de tout surveiller, de surveiller tout le monde, toutes les allées et venues, partout, toutes les télécommunications, les courriels, votre position, géolocalisation en temps réel, partout? Est-ce qu'on a besoin vraiment de ça? Vous avez une nouvelle ici qui parle que le crime violent est à un creux historique de 40 ans. C'est n'a pas été si bas depuis 40 ans aux États-Unis. Voyons donc. Alors que les États-Unis dépensent 100 milliards de dollars par année sur la police et la surveillance aux États-Unis. 100 milliards! Alors, le crime diminue, il y a moins en moins de guerres, moins en moins de violences, et ainsi de suite, malgré tout ce qu'on nous met en face partout, nous faire à croire que tout le monde est violent, puis dangereux, puis menaçant. Mais les taux de criminalité dans la majorité des pays industrialisés dans le monde sont à la chute, là, en chute libre, là. Fait qu'ils voudraient nous surveiller, on voudrait tout prendre nos données, enregistrer tout sur nous, savoir qui nous sommes, nous profiler, ainsi de suite. Au cas où qu'il y aurait des terroristes, en cas où qu'il y aurait des malfaiteurs parmi nous, nanana, nanana. Puis après ça, tu lis une nouvelle, ça s'est passé, t'en as un peu. On va vous dire ça. Des frappes de terreur ont frappé les États... des frappes américaines terrorisantes qui ont tué 31 personnes en 72 heures, rapportées par TV Press. Ça, écoutez, là, je veux dire, c'est une nouvelle qui date. Le 6 novembre, attendez un peu, ça date, excusez-moi, du 29 mai 2012. Press TV. Alors, vous avez cette photo, un drone, hein, piloté à distance, qui lance un Hellfire Missile. Et puis là, ben, on a tué 31 personnes au Yémen, au Pakistan, en Afghanistan, en 72 heures. Imaginez votre petite fille qui s'en va dans la rue et elle se fait frapper par une voiture. Aïe, c'est assez traumatisant comme expérience, hein? Imaginez, maintenant, vous êtes chez vous, en train de manger dans votre salon, puis il y a un missile qui tombe du ciel, de nulle part, même. Il y a un drone qui a passé à quoi? À 15 000 mètres d'altitude, je sais pas trop à quelle hauteur ça. Mais t'es vois pas, là. Ils sont en haut en simonac, là. Tu regardes dans le ciel, toi, tu vois absolument rien. Mais bang, un missile qui tombe, mastic, passe sur ta maison. Moitié de ta famille qui est arrachée sur le mur. Le voisinage au complet est à terre. Oh, puis ils ont manqué leur shot. Esprit, il y avait un présumé. C'est ça, comme ça, ils vous rapportent dans les nouvelles. Il y avait des présumés terroristes. Il n'y a personne qui a été établi hors de tout doute dans une cour de justice qui était des terroristes, là. C'était des présumés terroristes. Vous savez, il y avait un G.I. Joe quelque part dans une pièce. Probablement aux États-Unis ou dans un autre pays qui, par caméra vidéo, là, un peu comme dans un jeu un jeu vidéo, pilote son drone, il est là, au-dessus du Pakistan, au Yémen, puis il lance une bombe. Il lance un missile sur notre maison de nos petits copains dont on vient d'illustrer la vie. Et puis là, ben, zap, lui, sa petite fille s'est pas faite frapper par une voiture. Elle vient de se faire exploser sur le mur par un missile qui est tombé à mauvaise place ce sont ce qu'on appelle des dommages collatéraux. Ouais. Fait dur, hein, mais c'est ça la réalité. C'est quoi la motivation derrière ça? C'est quoi la motivation? La guerre contre le terroriste? Le terrorisme? Voyons donc. C'est quoi la motivation derrière ça? C'est quoi qui se passe dans la tête du malade, pauvre petit humain? Il va falloir faire des retours sur nous-mêmes pour essayer de comprendre ce qui les anime, ces gens-là. Pour après ça, arrêter d'alimenter ce système-là, de vider ce système-là de cette énergie, puis bâtir de quoi de nouveau? Quelque chose de mieux, quelque chose de différent, de beaucoup plus humain, avec la compassion puis de l'amour, s'il vous plaît. Voyons donc. On fait une autre petite pause, chers auditeurs, puis on se retrouve tout de suite après avec d'autres nouvelles dans Santé. Bon, alors on poursuit pour la dernière partie. Ça va prendre une quinzaine de minutes. Étude intéressante ici. Anthony Gucciardi, du Activist Post, encore une excellente nouvelle. Ça fait combien de temps que vous utilisez votre téléphone cellulaire? Nouvelle étude qui est sortie. 290% d'augmentation de risque de développer une tumeur du cerveau après 10 ans d'utilisation de téléphone cellulaire. Bon, pas loin de 300% de chance d'avoir d'avoir de plus de chances de développer une tumeur au cerveau. Alors, ben ouais, c'est ça qui arrive. Une autre étude qui a été conduite à ce qu'on appelle Örebro Hospital, ça se trouve être en Suède. Et puis, ça a révélé que cette petite étude, que l'utilisation de plus de 10 ans de téléphone cellulaire avait résulté dans une augmentation du risque de développement de tumeurs cervicales de 290%, et que de façon intéressante, le développement de cette tumeur était trouvé sur le même côté de la tête qu'on tient le téléphone cellulaire. Ça fait souvent que je vous en parle. Alors, une étude ici qui a été publiée 28 août 2012 sur laquelle je porte votre attention puisqu'on en parlait les semaines passées. Alors, ça m'est tombé sous les mains et puis je voulais vous remettre ça en lien parce que c'est effectivement très important. Donc, ça se trouve être le département d'oncologie de l'université de l'hôpital Örebro en Suède. Donc, vous avez tous les détails ici. Ensuite, le glyphosate, on a parlé la semaine passée également. Dégénération, on parle ici de maladies, là, de chroniques, de dégénératives. Alors que le glyphosate est assumé comme étant sécuritaire pour les humains, en réalité, ça se trouve à être loin de là, mais le problème, c'est que ça se retrouve à être l'herbicide le plus vendu à travers la planète. Et puis, vous avez des documents d'études encore qui viennent rajouter sur le sujet, sur, en fait, les conséquences par rapport aux maladies chroniques et immunodéficientes, incluant le cancer et l'autisme. Et puis, vous avez les documents de cette étude qui soulignent les dommages systémiques produits par le glyphosate. Et ensuite, discute comment les dommages mènent à des maladies spécifiques. Alors, ça, c'est très intéressant à aller voir, écrit par Heidi Stevenson. Alors, un article qui est divisé en trois parties où on parle du glyphosate et puis les maladies chroniques dégénératives. Ensuite, la deuxième partie, on parle d'un créateur de maladies, le glyphosate, qui discute en fait de comment elle montre et mène à différentes maladies. Puis la troisième partie où on parle de la trajectoire vers une misère humaine, en fait, une humanité misérable qui va souffrir beaucoup à cause de ses propres choix, malheureusement. Et puis encore là, on revient à cette notion de motivation, ce qui nous motive, pourquoi qu'on fait ces maudites niaiseries-là. Donc, glyphosate, je vous en parlais la semaine passée, donc on ne reviendra pas sur ce que sont ces trucs. On en a parlé aussi des perturbateurs endocriniens. Alors, cette semaine, ben, on parle justement de cette autre facette, encore une fois. Alors, vous avez celle-ci qui a été rapportée dans le journal Entropy, qui finalement a, si vous voulez, retourner sur sa tête la fameuse innocence du glyphosate dans la santé humaine et puis la renverse complètement. Ça se trouve être une revue exhaustive des recherches existantes. Et puis, il s'en trouve 287 études qui ont été revues, couplées avec une logique irréfutable qui produit une image, une perspective assez épeurante de la réalité. Le glyphosate pourrait être la substance la plus dévastatrice jamais introduite dans l'agro-business. Et puis, comme le décrivent les auteurs Anthony Samsel et puis Stephanie Seneff, ils ont conclu que le glyphosate est probablement va probablement être dans notre chaîne alimentaire pour les en fait un peu partout, ok, je veux dire on en retrouve vraiment partout. Et puis contrairement à ce qu'on en croit par rapport à sa non toxicité, pourrait se trouver en fait être le perturbateur biologique le plus important, un produit chimique qui est produit partout dans l'environnement. Donc ça, c'est important de suivre ça, ces sujets-là, on continue de le faire. Par contre, une bonne nouvelle ici, 5 millions de fermiers poursuivre judiciairement Monsanto pour l'ordre de 7,7 milliards de dollars. Un autre article ici de Anthony Gucciardi du Activist Post. Alors ça aussi, là, ça montre qu'on peut. On peut faire de quoi, là, hein? Alors, c'est une compagnie qui est responsable d'un fermier, d'un suicide de fermier à tous les 30 minutes en Inde. Vous avez maintenant 5 millions de fermiers qui maintenant poursuivent Monsanto. La raison est que, il y a plusieurs raisons en réalité, là, mais les principales, évidemment, sont ce qu'on appelle le suicide belt, là, on appelle ça la ceinture du suicide, là, dans plusieurs régions fermières à travers le monde, particulièrement en Inde, comme je parlais. Et puis, vous avez Monsanto qui, apparemment, taxe les fermiers jusqu'à temps qu'ils atteignent la banqueroute réellement, là, avec des charges financières, des royalties qu'on appelle complètement ridicules. J'ai des montants énormes. Et puis, on fait des profits exorbitants. Et puis, force les fermiers à racheter des semences année après année, ainsi de suite, avec un rendement qui n'est pas au rendez-vous, malheureusement, de ce qui avait été annoncé. Alors, grosse merde, évidemment. Ensuite, on appelle ici les children of the corn, les enfants du maïs, stérilité des OGM, causée par les OGM et spermicides. Alors, un autre article ici du très fameux William Engdahl, écrit en mars 2010 à propos de ces projets qui sont financés par le USDA pour créer un maïs génétiquement modifié qui stériliserait les personnes. Alors, c'est pas juste des histoires de conspiration, là. Malheureusement, ça existe. Et puis, vous avez ces fameuses OGM, le glyphosate, et puis la réduction de la population mondiale. Ça se trouve être un projet de longue date que le gouvernement américain tient. Et on veut parfaire une variété de maïs génétiquement modifié qui se trouve à être finalement la base de la diète au Mexique et dans plusieurs autres pays latino-américains. Et puis, le maïs a été testé dans des champs financés par la U.S. Department of Agriculture avec une autre compagnie de la Californie qui s'appelle Epicit, alors une biotech company. Et ils ont annoncé leur succès dans une conférence de presse en 2001, alors que le président de Epicit, Mitch Hein, avait pointé que ses plants de maïs OGM avait finalement réussi à produire une serre remplie, en fait, avait réussi à produire une serre remplie de maïs qui pouvait produire des anticorps antispermes. Vous irez lire l'article au complet parce que c'est très important et très, je vous dis, c'est quasiment sorti d'un film de science-fiction totalement, là, quand on lit ça, là. On va utiliser des techniques d'ingénierie génétique. Et puis, on a réussi à produire... écoutez, on est allé chercher des anticorps de femmes d'une condition très rare d'infertilité immunitaire. On a isolé ces gènes-là. Et puis, après ça, on les a insérés dans le maïs. Alors, de cette manière, on a réussi à produire finalement un contraceptif qui est dissimulé, qui est... finalement incrusté dans le maïs et qui lui est destiné pour la consommation humaine. Fait que là, finalement, essentiellement, les anticorps sont attirés à la surface de récepteurs sur le sperme. Ils s'accrochent à ceux-ci et puis font chaque sperme tellement lourd, le rend tellement lourd qu'il ne peut plus se déplacer vers l'avant. Fait qu'il fait juste se bouger, un peu comme une danse du lambada, là, mais finalement, elle ne peut pas avancer et aller féconder un œuf. On dit que Hein, qui était le président de cette compagnie, a déclaré que ça pourrait être une possible solution pour la surpopulation mondiale. Mon Dieu, c'est assez incroyable. Donc, évidemment qu'on parle ici de questions morales et éthiques. Hein, de nourrir des humains dans le tiers-monde, des pays pauvres, sans leur consentement, sans leur savoir. et finalement les rendant stériles, là, ce qui pourrait finalement mener à un genre de meurtre global, si on veut, là. Donc on parle de spermicides ici cachés dans du maïs OGM, qui pourrait être fourni à des pays du tiers-monde, des populations du tiers-monde, à travers la générosité de la Fondation Gates, la Fondation Rockefeller, et puis le Agra de Kofi Annan. Donc, des considérations fort troublantes, là, vous voyez, on parlait de nanotechnologie, là, on parle aussi de moyens stérilisants insérés par modification génétique dans les plantes qu'on nourrit, qui nourrit des populations entières. C'est assez particulier. Est-ce qu'il y a des relations par rapport à l'introduction de ces OGM aux États-Unis et puis les taux de naissance qui descendent de façon très abrupte aux États-Unis depuis 10 ans, depuis 12 ans? On dit que ces taux sont au plus bas depuis qu'on tient ces données nationales disponibles aux États-Unis. Vous avez des liens ici. On dit que le maïs BT a été introduit aux États-Unis en 1996, 3 ans avant que le déclin dramatique commence. On dit que 7 millions d'acres ont été plantés avec du maïs BT en 1997, avec des hybrides primairement provenant de Mycogène, Novartis, qui s'appelait avant Ciba, et Northrop King. Et on dit que Mycogène et Novartis produisent tous les deux des contraceptifs pharmaceutiques. Wow! Alors, assez dérangeant comme nouvelle, n'est-ce pas? Après ça, dans plusieurs pays, malgré la demande massive des consommateurs pour l'étiquetage, les corporations ont exercé des pressions énormes sur les gouvernements pour empêcher l'identification des OGM dans les produits. Et puis, on pousse même pour que l'agenda du Codex garde toutes les OGM non identifiées comme ça à travers le monde. Rassurant, c'est vraiment rassurant. Maintenant, on a un autre article ici qui parle des toxines qui proviennent des cultures de plantes modifiées génétiquement qui sont détectées dans le sang des Canadiens. Alors, on dit que jusqu'à maintenant, les scientifiques et les multinationales, les corporations qui font la promotion des OGM ont maintenu que les toxines du BT ne posaient aucun danger à la santé humaine et que la protéine se dégradait dans l'intestin humain. Mais la présence de cette toxine dans le sang humain montre que, effectivement, ceci ne se produit pas comme il l'avance. Alors, de manger du maïs OGM, du soya ou des patates, c'est parfaitement sécuritaire. Évidemment, si vous nous en faites pas avec le fait que vous avez des toxines qui se dispersent maintenant dans votre sang. Ah, puis il faut aussi pas oublier que finalement, ça se disperse aussi dans le système du bébé qui est alimenté par la mère aussi. Alors ça, c'est une étude qui a été revue par des pairs, apportée par le India Today. Ensuite, un autre article ici qui parle de la nourriture modifiée génétiquement qui pourrait causer de la stérilité de long terme. Alors, une autre question ici par rapport à ça, c'est une étude cette fois conduite par les Russes, et qui était assez claire aussi par rapport à ça. Et qui finalement s'est ajouté à une collection importante d'études qui notent que la nourriture OGM peut causer des problèmes de santé chez les enfants, en plus des problèmes reliés à la fertilité, au poids des nourrissons à la naissance, et puis de la mortalité infantile. Alors, on parle pas de petites affaires, là. Un autre article de nourriture commune qui cause des effets dévastateurs et des malformations chez les nourrissons dans une nouvelle étude rendue publique aussi. Alors, un autre lien vers ça. Une autre étude qui indique que les OGM pourraient être la cause de l'infertilité. Alors, une autre nouvelle par rapport à ça. la Nouvelle-Zélande qui appelle pour bannir le maïs, en fait les formules pour bébés à base de maïs qui pourraient endommager justement la fertilité. Alors même en Nouvelle-Zélande, on en parle. On a des experts de la santé, des experts médicaux en Nouvelle-Zélande qui disent qu'il faut bannir ces formules pour enfants qui sont à base de soya OGM. Alors qu'on a une nouvelle étude publiée qui a été faite sur des souris qui suggère que le soya endommage le système reproductif et puis le système immunitaire. Vous avez aussi une étude américaine qui a été publiée dans The Society for the Study of Reproduction qui suggère que l'exposition à des bas niveaux de phytoestrogènes durant les stades de développement sensibles du fœtus pourrait, à travers la puberté, pourrait affecter la fertilité dans les années à venir. Alors, c'est pas juste les OGM, mais aussi le soya. Alors, il faut faire attention avec le soya. Johnson & Johnson, c'est les gens qui sont là pour votre bien. Johnson & Johnson, un autre géant qui a été condamné à payer une immense amende de 2,2 milliards de dollars par rapport à des fausses prétentions marketing sur ses produits pharmaceutiques. Alors, on a d'ailleurs mis à jour le fait que ces compagnies pharmaceutiques comme Johnson & Johnson payent des pots de vin énormes à des docteurs, des pharmaciens pour suggérer ces médicaments à des patients et puis les recommander pour des utilisations non approuvées pour ces médications. Alors, voilà, le département de la justice a annoncé que Johnson & Johnson va payer plus de 2,2 milliards de dollars pour régler ces plaintes-là. Ensuite, un autre article de Natural News, ici, fort intéressant, des scientifiques finalement admettent que les vaccins du H1N1 causent une augmentation des risques du syndrome de Guillain-Barré. Une nouvelle étude publiée dans The Journal of the American Medical Association qui admet que les vaccins administrés de façon importante, large, répandue, pour lesquels on encourageait joyeusement à aller vous faire piquer contre le H1N1, aussi connu contre le vaccin contre la grippe porcine, est lié à des dommages neurologiques dans la forme du syndrome Guillain-Barré. Alors, des nouvelles trouvailles qui confirment plusieurs autres études menées aux États-Unis et en Angleterre qui ont aussi lié les vaccins du H1N1 à des sévères dommages neurologiques. Aïe aïe! Vous avez le Reuters Health qui rapporte que une nouvelle étude de Philippe DeWalls de l'Université Laval à Québec. Alors, et ses collègues ont évalué les taux des syndromes du Guillain-Barré chez les Canadiens durant les 6 mois suivant la vaccination du H1N1 au Québec. Okay? Et puis, après revue, l'équipe a déclaré qu'ils ont observé une augmentation définie des cas de Guillain-Barré associés avec le vaccin. Donc, Guillain-Barré, là, je sais pas si vous êtes conscient de ce que c'est, là, mais c'est pas agréable. Là, c'est le système neurologique là, qui est affecté, qui est endommagé. En fait, c'est une réaction auto-immunitaire qui, finalement, est déclenchée, une réaction par le système immunitaire du corps qui se trompe, OK? Et par erreur, attaque le système nerveux central comme si c'était une invasion étrangère. Ce qui cause évidemment une inflammation nerveuse des muscles et puis peut causer une paralysie et même la mort. Ça aussi, ça a été d'ailleurs observé largement suivant les vaccinations de masse, les campagnes de vaccination de masse qui se sont tenues pour la même affaire, la grippe porcine en 1976 aux États-Unis. Alors, c'est pas des affaires nouvelles, puis on refait encore la même affaire. Hey, en 1976, on a refait la même affaire encore comme si c'était jamais rien passé. Alors, l'étude canadienne confirme ce que vous avez l'agence, ce qu'on appelle la UK's Medicines and Healthcare Products Regulatory Agency, alors l'agence régulatoire des produits de la santé et de la médecine en Angleterre, qui avait eux aussi déterminé que les vaccins contre le H1N1 à l'an 2010 avaient fait la même affaire. La FDA aux États-Unis avait aussi rendu un énoncé public admettant que l'H1N1 et son vaccin étaient liés à des risques plus élevés de syndrome Guillain-Barré. Aïe aïe! Donc, allez voir ça, un autre article. Et puis, dans la même lignée de nouvelles complètement hallucinantes, le Pentagone espère mettre à jour, finalement créer une pilule qui va effacer les mauvaises mémoires. Hein? Ils ont besoin de zombies, ces gens-là. Le Pentagone est en train de tester, de fabriquer, d'essayer de mettre en place une médecine, une drogue, une pilule, whatever, qui va effacer les mauvaises mémoires. On dit qu'il y a environ 300 000 soldats qui vivent avec ce qu'on appelle en anglais des PTSD, alors des syndromes post-traumatiques lorsqu'ils reviennent de la guerre. C'est normal, t'as vu des horreurs, c'est une horreur la guerre, tu sais. Et ça forme à peu près 20% de tous les vétérans de guerre. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire? Alors, au lieu de régler le problème à la source, cesser de faire la guerre. Tu sais, je veux dire, c'est monac, hey! Je veux dire, surtout des guerres inutiles, tu sais, je veux dire, c'est bolac. Ben non, ce qu'on va faire, c'est que on va adopter une autre solution. Alors, vous voyez, là, complètement absurde. Alors, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut que les gens qui ont été exposés à des meurtres et puis des scènes de sang, des tragédies totales, qui évidemment ont des conséquences psychologiques très lourdes, hein, on s'entend. On veut finalement les mettre sur des pilules qui vont tout simplement les rendre insensibles, sans émotion, sans mémoire de ce qui se passe. Alors, imaginez le type de personne que ça va créer. Ouais, c'est ça. Bon, bonne nouvelle, la vitamine D pourrait aider à ralentir le processus de vieillissement. Alors, ça aussi, c'est intéressant. On en parle souvent de la vitamine D. Alors, une autre nouvelle positive par rapport à ça, la vitamine D est hyper importante. 75% des docteurs dans le monde refuseraient la chimiothérapie pour eux-mêmes. Alors ça, c'est une étude qui a été faite utilisant des questionnaires et puis des sondages. Il montre que 3 docteurs sur 4 et scientifiques refuseraient la chimiothérapie pour eux-mêmes à cause de ses effets dévastateurs sur le corps entier et puis le système immunitaire, et aussi parce que il a un taux de succès extrêmement bas, dit-on. On dit que par-dessus ça, seulement 2 à 4% de tous les cancers même répondent à la chimiothérapie. Prouve que la vie aurait pu être rallongée. Et puis, malgré tout ça, on continue de prescrire ça un peu partout comme un traitement efficace contre le cancer. Hein? Bon. OK, donc, écoutez, on achève. Là, on arrive pas mal à la fin de l'émission. On va parler rapidement de ça ici. Ouais, c'est ça. Écoutez, on va y aller rapidement, là, mais c'est parce qu'il faut rapporter ça, parce que c'est chaud, là. Attaque, il semblerait maintenant confirmée, israélienne, sur des installations de défense de l'air syrienne. Confirmé par la Maison Blanche, Jérusalem qui est très fâché, disons, par rapport à cette confirmation américaine de la main israélienne derrière ces attaques. Alors, on a eu la force aérienne israélienne qui a frappé une base militaire aussi proche du port de Latakia vendredi dernier, frappant un dépôt d'armement qui supposément était pour être transféré au Hezbollah. Les Américains ont comme confirmé que c'est Israël qui a fait ça. Donc, vous voyez, une attaque, une agression, un acte de guerre commis contre la Syrie. Alors, lorsqu'on vous demandera qui a été l'initiateur de cette guerre, qui a été l'agresseur, eh bien, vous saurez qui ça aurait été. Voilà, c'est documenté. Différents articles qui parlent de ça. Donc voilà, on va s'arrêter ici pour cette semaine. C'était en masse. La semaine prochaine, on va revenir. On va parler des ingrédients assez répugnants dans la fabrication des vaccins. Donc ça, c'est important qu'on en parle. On va parler de l'Europe radioactive. On a augmenté les taux acceptables de radioactivité dans l'environnement pour les Européens. On va parler de ça. Ça vous concerne, chers amis européens. Et on va parler aussi de la monarchie britannique qui a une main très lourde dans commerce de l'uranium appauvri. Alors, un article fort intéressant dont je voulais vous parler. Donc, voilà, ça va faire le tout pour d'autres sujets là, pour la semaine prochaine. Donc, voilà, moi, je vous quitte là-dessus. C'était François Marginat pour L'Autre Monde. Merci d'être à l'écoute et on se retrouve dès la semaine prochaine. Bye-bye!